Alors, merci Stéphane, c'est vraiment super que vous puissiez voir ça avec ce manga, que vous puissiez déjà discuter de la parole de Dieu. Si tout un culte pouvait être parler de la parole de Dieu avec un petit commentaire par-ci, par-là, pas trop, parce qu'on multiplie les risques de dire des bêtises, mais la parole de Dieu, c'est vraiment super. Moi, j'apprécie beaucoup. Pour nous aider, on va essayer de suivre ça avec le PowerPoint. Chapitre 11 et 12 de Marc, merci pour ce cadeau, parce que moi qui aime la musique, là, c'est la fanfare, hein, pendant ces deux chapitres, hein. Tout le long, ça a été comme une préparation, mais alors là, on a parlé, j'ai écouté les prédications, donc je sais ce que vous êtes censé savoir, attention, mais on a parlé d'un roi, mais d'un roi serviteur. On a vu au chapitre 10 de ce roi qui dit, mais que ces principes du royaume ne sont pas comme les nôtres. Mais là, voilà, maintenant qu'il a expliqué les principes de son royaume, qui sont complètement à l'envers de notre vision de ce qu'est un roi, eh bien, enfin, maintenant, il va se montrer comme roi. Et il va donner des leçons à ses disciples. Je crois que c'est surtout à ses disciples qu'il donne des leçons ici. Mais tout d'abord, pour se mettre dans l'ambiance, imaginez que vous revenez d'un long voyage, peut-être pas forcément depuis la Bolivie, mais d'un long voyage. Vous êtes resté très longtemps absent de chez vous et vous aspirez qu'à une seule chose, quoi, retrouver le confort. Ah, vous étiez peut-être content de partir, mais vous savez, il y a un moment où quand même on sent que ça fait du bien de rentrer chez soi. Vous recommencez à reconnaître le paysage au loin, puis vous voyez le quartier, puis enfin la maison. Et la maison, mais la porte est ouverte. Hey, qu'est-ce qui se passe? Et vous entendez du bruit dans votre maison. Alors vous aspiriez qu'à une chose, hein, vous relaxez. Hein. Et vous entrez et vous voyez le saccage. Et vous voyez des gens qui s'amusent dans votre maison, qui cassent tous vos objets les plus précieux. Les plus précieux, ils n'en ont rien à faire. Ils salissent, ils cassent, ils s'éclatent à vos frais. Et pire, ces gens-là, c'est précisément les amis, les hommes de confiance à qui vous aviez confié votre maison. Vous pouvez imaginer ce que vous pouvez ressentir? Qu'est-ce qu'a pu ressentir le roi quand il est rentré, quand il est allé dans son temple, dans son palais, et qu'il a vu tout ce qu'il a vu? Parce que tout ce qu'on va voir, les chapitres 11 et 12, à part la leçon du figuier, se passe dans le temple. Tout se passe dans le temple. Alors, ressentez bien cette peine, cette frustration, cette déception, cette colère. Qu'a pu ressentir le roi quand il est rentré chez lui? Qu'a pu ressentir Jésus? Alors voilà, Marc va relier ces événements. Il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, dans ces deux chapitres. Quand vous me connaissez, vous savez que j'arrive à parler 1 heure sur un demi-verset, vous prenez peur. Donc, je me suis fait violence et on va vraiment essayer de voir la prédication de Marc sur ces deux chapitres, hein. Donc, désolé si vous voulez entrer plus en profondeur dans tel ou tel passage. Non, on va essayer de voir qu'est-ce que veut dire Marc dans ce qui se passe au temple. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il arrive à relier ces événements, à nous aider à saisir qui est Jésus, quel impact il doit avoir sur notre vie. Hein. C'est la question, le fil directeur, si j'ai bien compris les prédications précédentes. Alors, il va relier ces événements dans un fil conducteur glorieux, mais sur un fond dramatique. Donc le fil conducteur glorieux, si vous voulez, c'est Jésus qui est le roi, qui revient dans sa ville. Jésus, le Messie, on va voir que c'est assez clair aussi, qui dénonce les traîtres. Et enfin, ce Jésus, Dieu lui-même, qui annonce qu'il va juger. Ça, c'est le fil rouge un peu glorieux. L'arrière-plan ténébreux, c'est que Jésus est aussi l'homme, et un homme contesté. Et on sait qu'on est à moins d'une semaine de la crucifixion. Et Jésus, qui est en train de faire un triomphe en ville, sait qu'il est en train de vivre ses derniers jours sur terre. Donc la première partie. Ah oui, donc ces deux jours vont se passer. Pardon, ces deux chapitres vont se passer en 3 jours. Hein, Marc nous fait bien comprendre qu'il se passe 3 jours. Hein, le soir, il rentre à Béthanie, il revient le matin, etc. Donc on va suivre, hein, tout simplement les 3 jours, on ne va pas se casser plus la tête. Donc le premier jour, c'est le règne de Dieu qui pénètre en ville. J'ai essayé de garder le P, hein, pour garder le fil conducteur de l'évangile de Marc. Le royaume de Dieu est proche, le règne de Dieu est proche, préparez-vous. Bien là, on va encore voir que le règne de Dieu est proche, hein, le roi arrive, il est plus que proche, hein, il rentre en ville. Donc, j'ai gardé le P de proche pour essayer de, qu'on se souvienne. Le règne de Dieu pénètre en ville dans le premier jour. Le deuxième jour, le règne de Dieu, Jésus, purifie le temple. Et troisième jour, le règne de Dieu prend en faute les responsables. Voilà. Alors, on va tout de suite arriver au premier jour. Le règne de Dieu qui pénètre en ville. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce qui nous aide, Marc nous aide, en nous donnant chaque fois, en début de journée, un éclairage qui va donner du sens à ce qui va se passer dans la journée. Donc, finalement, pas besoin non plus là de se casser la tête, on va interpréter par rapport à ce premier éclairage du début de journée. Bon, tout est apparu d'un coup, c'est pas grave. Donc, de toute façon, vous connaissez l'histoire. Donc, versets 1 et 6, le premier éclairage de Jésus, c'est quand il donne ses instructions à ses disciples au sujet de l'ânon. Hein? Allez chercher un ânon, etc. Et puis, si jamais le maître vous dit, vous lui répondrez, le maître en a besoin, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, déjà? Ça veut dire que Jésus est aux commandes, d'accord? Il élabore une mise en scène. Là, il fait le provocateur. C'est clair, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide que, allez, maintenant, on y va jusqu'à la fin, on va provoquer tous les débats qui auront lieu et qui finiront dans cette crucifixion. On parle souvent de la passion. La passion, ça veut dire que Jésus a subi, hein, passif. Jésus n'a jamais été plus actif qu'à ce moment-là, au début de la passion, parce que c'est lui qui décide quand ça va arriver. Hein. Donc, il provoque, il fait une mise en scène, il élabore une mise en scène. Et puis, il arrive donc monté sur cet âne, monté sur un âne. Qu'est-ce qu'on voit encore? Les gens étendent des vêtements, ils coupent des branches, tout ça, ça s'est déjà vu dans Israël, ça s'est déjà vu pour l'arrivée d'un roi. Donc, Jésus s'annonce publiquement roi d'Israël. On va passer, vous connaissez l'histoire. Cette arrivée sur un ânon dans Jérusalem, ça accomplit une prophétie, la prophétie de Zacharie 9, que vous avez en tête déjà, hein, il arrive, le voilà, ton roi monté sur un ânon. C'est une prophétie qu'on dit messianique, c'est-à-dire que c'est l'arrivée du Messie en ville. Donc il sait très bien ce que vont penser les gens, et les gens répondent aussi à cette mise en scène, ils savent très bien ce qui est en train d'arriver, puisqu'ils chantent un psaume, le psaume 118, qui est un psaume là aussi messianique. Donc, ce n'est pas seulement un roi qui arrive en ville, c'est le Messie qui arrive en ville. Hein. Hosanna, viens, sauve maintenant, ça veut dire. C'est le psaume 118 qu'on a l'habitude de citer parfois, certains versets qui disent « Voici le jour, hein, que l'Éternel a fait, qu'il soit pour toi un jour d'allégresse. Voici ce jour-là. » Ce psaume a été fait pour ce jour-là. C'est enfin le jour où le roi arrive. Donc, il s'annonce publiquement comme Messie. Je suis vraiment surpris à chaque fois que je relis ce passage. Je me dis, mais Jésus, depuis le début, il a dit aux gens, ne le dis pas tout de suite, ne dis pas je suis le Messie, cache. Non, va plutôt au temple, faire ce qu'il y a à faire, etc. Et là, il ne les arrête pas, les gens. Au contraire, il a provoqué ce raz-de-marée d'enthousiasme. Hein. Et ils suivent. Et lui, il continue, il doit être heureux. J'espère qu'il en a bien profité à ce moment-là aussi, de se dire, et il y en a qui comprennent, c'est ce moment-là pour lequel je suis venu aussi, un de ces moments-là. Et ce Marc aussi, qui a bien caché son jeu aussi, et qui se libère complètement, ici. Qui est Jésus? Ben, il est le roi, il est le Messie. Là, on dirait qu'il se lâche enfin, et c'est un moment d'allégresse. Tout le monde chantait, lui continuait sur cet annonce, tout le monde savait exactement ce qui arrivait. On a vraiment l'impression qu'il y a même un coup d'État qui est imminent. Alors c'est là qu'arrive le décalage, bien sûr, parce que Jésus n'est pas venu faire un coup d'État. Mais en tout cas, c'est l'allégresse. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Première chose qu'il fait, il va dans le temple, directement au cœur du système. On reconnaît bien là ce Seigneur, si vous l'avez fait comme moi, Seigneur de votre vie. Tout de suite, ah tu es, je suis Seigneur, alors attends, je vais au cœur du système, hein, tout de suite, dans le temple. Et il observe, et c'est tout ce que dit Marc sur le premier jour. Il observe jusqu'au soir et il rentre. Alors je ne sais pas combien de temps il a observé, 5 minutes, 1 quart d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Les disciples, est-ce qu'ils ont compris? Il n'y a pas de discours qui est donné plus que ça. Les disciples, je les imagine bien en file, assis aussi, en train d'observer Jésus qui observe le temple. Alors ils essayent de voir qu'est-ce qu'il y a à regarder. Ils ont peut-être faim. Il y en a un qui va chercher, c'est peut-être pas des pizzas à l'époque, mais bref, de quoi manger pour les autres. Alors, où il en est? Il n'a pas bougé depuis que tu es parti. Bon, d'accord, ok. Bref, il observe. Mais je me dis, en lisant la suite, c'est pourquoi il se donne peut-être un droit de regard. Il est le roi, il est le Messie. Je suis le roi, je suis le Messie. Je vais voir ce qui se passe chez moi. Voilà, il rentre chez lui. Et on sait, à cause de la suite, on sait qu'il ne devait certainement pas être aussi joyeux qu'au moment de l'arrivée à Jérusalem. Tout ce qui a pu se passer à ce moment-là en lui. Bref, ce premier jour, Jésus affirme clairement et délibérément qu'il est le Messie. Pourquoi ? Parce qu'il veut que l'enjeu soit clairement affirmé. Que quand on va le rejeter, on le rejette bien en tant que Messie. Nous ne voulons pas que tu sois le Messie. C'est pour ça aussi qu'il élabore cette mise en scène, que les choses soient bien claires dès le départ. C'est le premier jour de la semaine qui va finir par la crucifixion. Donc, premier jour, les enjeux doivent être clairs. Et personne ne s'y est trompé. Alors, on va partir, on va arriver au second jour. Le second jour, c'est Jésus dans le temple. Jésus qui purifie le temple. Voilà. Donc pareil, ce jour-là commence par un éclairage aussi qui va donner du sens à toute la suite des événements ce jour-là. C'est Jésus qui a faim et qui maudit un figuier. Ah, un figuier très beau, qui a de très belles feuilles, bien grandes, bien vertes. On y est au mois d'avril, donc on a le droit de penser qu'il y a des fruits tardifs de la saison printanière. On a même vu des figuiers porter les fruits précoces de la saison d'automne. Vous savez que les figuiers ont deux saisons. On a vu ça. En tout cas, que ce soit les fruits d'avant, les fruits d'après, un figuier, quand il a des feuilles, du moins en Israël, c'est ce que j'ai lu dans les commentaires, ça veut dire qu'il a du fruit. On voit des feuilles, on a le droit d'espérer du fruit. Mais quand on sait que le figuier, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, est souvent utilisé pour représenter Israël, et que forcément, il y a un éclairage ici, sur un éclairage spirituel, alors on se dit, qu'est-ce que c'est alors? Pas de fruits, que des feuilles. C'est quoi les feuilles? Bon, c'est ce qui est apparent, quoi. Donc, c'est l'histoire, finalement, d'une déception, de fruits qu'on attendait. C'est l'histoire d'une colère qui va venir dans ce jour-là. Non, en arrière. Voilà. Oui. Ça marche. Ces feuilles, ce sont les œuvres religieuses d'Israël. Que de l'esbrouf, que de l'apparence. Rien de solide, rien de consistant, d'utile pour le royaume de Dieu. C'est le sens, je crois, que Marc veut donner à ce qui va arriver à ce jour-là. Donc, qu'est-ce qui arrive ce jour-là? Eh bien, Jésus arrive dans le temple et il renverse. Il renverse. Alors, je ne sais pas si vous avez cette image-là en tête quand vous pensez à Jésus qui renverse les comptoirs, qui renverse les tabourets. Là, on voit un Jésus très agressif qui carrément veut fouetter des hommes qui ont peur. Je vous ai mis cette image juste pour vous dire l'oublier, parce qu'il n'a pas frappé les gens, pas du tout. Quand on lit le texte, il a renversé des tables et des tabourets. Il a renversé les comptoirs des changeurs. Qui dit comptoir de changeurs dit devises étrangères. Donc certainement, des Juifs venaient de pays où la monnaie n'était pas la monnaie du temple. On pouvait aussi changer la monnaie de César, dans peut-être une monnaie très locale au temple. En tout cas, il y a très certainement l'idée là que les changeurs gonflaient les taux de change. Ça a été plus ou moins avéré par les commentaires, et que ces gens-là profitaient de ces Juifs qui venaient de loin. Donc des Juifs qui avaient décidé d'arrêter leur vie quotidienne, d'arrêter leurs priorités, et on sait ce que c'est, quand on est pris dans notre petite vie, petite ou grande vie, ça dépend les critères, mais en tout cas, on est toujours pressé, on n'a jamais assez de temps. Ces gens-là avaient arrêté de vivre pour eux, ils étaient venus au temple. Et voilà que dans le temple lui-même, des gens, des changeurs viennent abuser de cette piété-là. Table. Non. Voilà. Donc, comptoir des changeurs, tabouret des vendeurs de pigeons. Vendeurs de pigeons, ça ne vous rappelle rien dans l'histoire de Jésus, hein? Les parents de Jésus qui avaient offert un pigeon. Pourquoi un pigeon et pas un agneau? Quand on retrouve les lois dans l'Ancien Testament, c'est parce que c'est parce qu'ils étaient pauvres, hein? Voilà. C'est le sacrifice du pauvre aussi. Donc on voit encore ici cette idée que Jésus est vraiment dégoûté, semble dégoûté, de ce qu'on puisse abuser aussi des pauvres. Mais le sens que lui va donner, pas seulement ça. Il va dénoncer, mais ce qu'il va surtout dénoncer, c'est le renversement des valeurs. Le temple, le verset que Jésus va utiliser pour justifier ce qu'il est en train de faire, c'est quand même pas rien ce qu'il est en train de faire, c'est Ésaïe 56. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, le temple. Leurs sacrifices seront agréés, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Dire ça au peuple juif, hein, tous les peuples. Quand Dieu a fait naître Israël, sur son acte de naissance, Exode 19, 5, il était déclaré « Tu seras une lumière pour les nations. Grâce à toi, on verra ma gloire, on verra ma sainteté. Les gens comprendront qu'il est bon d'adorer le seul vrai Dieu. » Et l'endroit où se trouve Jésus à ce moment-là, c'est le parvis, dit le parvis des gentils, le parvis des non-croyants. C'est cet endroit où tout le monde avait le droit de venir pour entendre parler de Dieu, du Créateur, pour entendre l'enseignement, pour que les gens puissent prier avec eux aussi, pour qu'il y ait un dialogue avec ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Mais ce parvis-là, qui était réservé pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, avait été envahi par des commerçants, des comptoirs, des tabourets, des cages, tout ce que vous pouviez trouver, sauf un lieu réservé pour ces gentils, ces nations, qu'à l'époque on appelait les chiens. Hein? Donc c'est dire ce qu'on estimait garder comme place pour eux dans ce temple. Donc c'est dans cet endroit-là qui était réservé, voilà, pour les nations et qui était complètement renversé. Pas étonnant que Jésus renverse des tables, renverse, puisqu'au fond il dénonce un renversement de valeur. En réalité, ce qu'il va faire, c'est remettre de l'ordre plutôt. Quand il dit aussi que vous en avez fait une caverne de voleurs, la caverne pour les voleurs, c'était là où les voleurs allaient se cacher pour voir leur butin. Alors il est en train de dire, vous venez vous cacher dans le temple et vous venez porter seulement des feuilles, des œuvres religieuses pour cacher que vous ne portez pas de fruits. Hein? Et c'est si facile finalement aussi d'aller dans le temple, de faire ces œuvres religieuses à la vue de tout le monde pour cacher son hypocrisie. Ouais, je sais bien de quoi je parle. L'homme a renversé la fonction du temple. Quand il cite Caverne de voleurs, il cite Jérémie 7, qui dit, c'est intéressant, écoutez ça, « Vous vous livrez à des espérances trompeuses, qui ne servent à rien. Puis, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Vous croyez faire tout ce que vous voulez, et après, oh, c'est bon, Dieu nous sanctifie. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois même, moi-même, dit l'Éternel. Je le vois moi-même, dit l'Éternel. » Qui est en train de citer Jésus, qui a observé le temple. Il le voit. C'est Jésus qui est en train de parler, qui voit les choses, qui prouve. Attendez, vous ne pouvez pas échapper. J'observe. Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Je détruirai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et je vous rejetterai loin de ma face. Rien n'est caché pour Dieu. Il y a même un verset dans Sophonie qui dit que Dieu fouille avec des lampes, fouille avec des torches. Hurlez, lamentez-vous parce qu'il est anéanti le peuple des marchands. Tous ceux qui pèsent leur argent vont être exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des torches. Je n'avais jamais vu ça. Et je châtirai tous les hommes qui se disent en eux-mêmes que l'Éternel ne fait ni du bien ni du mal. En d'autres termes, ces hommes n'ont plus de morale. Mais Dieu voit tout, il ne laisse rien passer. Donc, conclusion de ces deux premiers jours qui installent le contexte, qui installent les confrontations à venir, Jésus a tout prévu, il va provoquer les réactions qui vont arriver. Nous arrivons donc dans ce troisième jour qu'on appelle le jour des questions. Et c'est le moment où Dieu va, le règne de Dieu va prendre en faute les responsables. Bon, je ne vais pas trouver autre chose avec un P. Bon. Et là encore, troisième éclairage de Jésus, et il utilise encore le figuier. Finalement, Pierre voit, « Waouh, super, regarde ce que tu as fait au figuier, tu as dit je maudis, paf, il est maudit, c'est trop cool, on a un super maître. Ayez foi en Dieu, attendez, n'oubliez pas ce qui compte, n'oubliez pas ce que compte. Vous voulez avoir une vie qui porte du fruit? Ah ouais, tu vois ce qui s'est passé, tu veux une vie qui porte du fruit? Utilise la prière de la foi. Utilise la prière de la foi, ça sonne recette, c'est horrible. Mais c'est confie-toi en Dieu, appuie-toi sur Dieu. Et aussi, c'est une leçon, on ne va pas rentrer dans les détails non plus, mais c'est une leçon où il va expliquer à ses disciples, avant d'entrer dans Jérusalem, avant ce jour de confrontation, il va expliquer que ce qui compte, c'est cette relation avec Dieu, cette relation verticale. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette leçon-là du figuier? Le pardon aussi, hein? Pardonnez à vos frères, sinon Dieu ne vous pardonnera pas. Donc il y a cette double relation verticale et horizontale. Et j'ai bien envie de tout de suite vous parler de ce dernier moment quand Jésus parle du vrai fruit. Quand on lui demande quel est le plus grand commandement, il dit mais aime Dieu de tout ton cœur, mais donne tout à Dieu, un don total envers Dieu et aussi envers les hommes. Donc je voudrais les rapprocher pour vous expliquer que Jésus va encadrer cette journée de ces deux leçons qu'il va donner devant ses disciples. Donc de cette relation verticale, cette relation horizontale. On comprend un peu mieux maintenant aussi le sens à donner à ces trois rencontres, devant ces trois institutions. Le sens, c'est que eux, où est leur foi? Non, on lit verset 18, 11, 18, qu'ils craignent l'homme. Hein? Ils sont coincés justement à cause de ça. Où est leur souci du bien-être du troupeau? Voilà. Et c'est bien ça qui met en rogne aussi Jésus. Donc le règne de Dieu va prendre en faute les responsables. Donc premier passage, évidemment, il va convoquer, parce qu'il ne faut pas croire que c'est les gardiens du temple, Sanhédrin, etc., qui va venir vers Jésus et dit donc tu fais ça, et c'est pas bien. Hein? Non, non. Souvenez-vous le premier éclairage du premier jour. Hein? Jésus sait exactement ce qui va arriver. Il a tout élaboré comme mise en scène pour provoquer. Il les met au pied du mur. Ils sont obligés de sortir, les gardiens du temple. Attendez, il est arrivé à Jérusalem sur un âne. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Il a laissé les gens chanter le psaume messianique. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Il arrive dans le temple. Il envoie balader les tables, les tabourets. En plus, il donne un enseignement en disant « Vous n'avez rien compris, vous faites tout à l'envers ». Ils sont obligés, c'est leur position. Imaginez là que moi j'arrive dans l'église et puis je me mets à balancer toutes les chaises, etc. Tous les regards vont se tourner vers les responsables. Et qu'est-ce que vous faites? Il faut faire quelque chose. Donc ils sont coincés aussi, ils savent qu'ils sont obligés de réagir. Et en réalité, tous ces gens qui vont arriver, qui vont poser des questions à Jésus, c'est le roi qui les convoque. C'est le roi qui les convoque. Il sait, il maîtrise tout. Donc il va les convoquer, les mettre au pied du mur. Et puis, donc, cette question qu'on a lue tout à l'heure, de par quelle autorité fais-tu tout cela? Ils sont obligés de poser la question. Mais ils ont peur. Et puis, Jésus qui dit, mais attendez, je vais vous poser une autre question, puis je vous répondrai si vous me répondez. Hein. Jean-Baptiste, vous croyez en Jean-Baptiste ou pas? Mais en réalité, il pose la même question, parce que Jean-Baptiste avait validé le ministère de Jésus. Donc, finalement, il leur renvoie la balle. Hein. Et puis surtout, ce n'est pas qu'il ne veut pas répondre à la question, mais c'est qu'il veut montrer publiquement que leur hypocrisie les empêche de répondre, que leur crainte de l'homme les empêche de répondre. En général, on a remarqué ça quand on lit l'Évangile, hein, quand Jésus parle de manière décalée, quand il répond de manière décalée, qu'il semble ne pas répondre à la question, qui c'est qui est vraiment décalé? Alors cette fois, la réponse n'est pas Jésus. C'est le lapin. Purée, ceux qui vont écouter la cassette qui n'ont pas été là. Ouais, voilà. C'est le pauvre lapin que nous sommes parfois. Mais c'est ça. Quand il ne répond pas à la question, c'est que la question, elle révèle une autre question plus profonde. Il y a un autre décalage, une hypocrisie, évidemment. Alors, comme il est le roi, comme il est le Messie, il va annoncer leur jugement. vous avez refusé l'alliance de Dieu. Alors merci à tous ceux qui ont déjà parlé de la parabole des vignerons. J'ai compté il y a au moins 5 fois que vous en avez parlé. Donc c'était excellent. Donc, attention, vous connaissez la parabole des vignerons. Mais bien sûr, ces vignerons qui n'acceptent pas l'autorité du propriétaire de la vigne, ce sont ces gens-là, et tout le monde le sait, les pharisiens eux-mêmes, les sanhédrins eux-mêmes savaient que Jésus était en train de parler d'eux. Vous n'avez pas accepté l'alliance, le temple, regardez l'état du temple, le cœur du système est corrompu à la base. Vous avez refusé parce que vous craignez l'homme plutôt que Dieu. Psaume 118:8, hein, mieux vaut se confier en l'éternel que dans l'homme. Voilà. Donc finalement, ah oui, intéressant aussi quand il leur dit, alors à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire le propriétaire de la vigne? Alors ils sont là, ils sont bien obligés de répondre, il y a tout le monde, ils ne peuvent pas passer pour des imbéciles. Ah ben le propriétaire, il va venir et il va les tuer. Et Jésus qui fait, et voilà, vous l'avez dit. C'est dans Matthieu, je crois qu'on trouve, c'est vos paroles qui vous accuseront. Hein. Vous l'avez dit, il va tuer. Vous savez à quoi ça fait penser, ça? J'ai mis le marteau au début du premier jour parce qu'on est vraiment dans un procès ici. Avant que n'arrive le procès de Jésus, le procès hypocrite de Jésus, il y a le vrai procès, là, de tous ces gens qui étaient responsables du peuple. Vous savez, dans le procès, on demande au jury de dire « Alors, jury, qu'est-ce que vous avez décidé? Qu'est-ce qui va se passer? Il mérite la mort !» Et le juge, qu'est-ce qu'il fait avec son marteau? Ok, verdict. Oui, vous avez raison, il mérite la mort. Et ben, ça fait ce bruit-là, à peu près. Boum. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est assez solennel, ça fait assez peur. Donc, première confrontation, corrompue à la base. Les deux confrontations qui arrivent, en fait, c'est un peu comme des conséquences. Donc, on va aller aussi assez vite. Le roi va convoquer les enseignants. Alors, hein, le Sanhédrin, les chefs du temple, etc., ils n'ont pas réussi. Alors, ils disent, bon, allez, les pharisiens, les hérodiens, essayez. Mettez-vous d'accord pour une fois et puis essayez, parce que les pharisiens et les hérodiens, c'était vraiment des ennemis, mais ils se mettent d'accord pour essayer de tendre un piège. À qui on doit payer l'impôt? Alors on a lu dans le manga tout à l'heure l'enjeu du piège, hein, s'il dit il faut payer l'impôt, il va se mettre la foule à dos, s'il dit il ne faut pas payer l'impôt, les Romains vont l'arrêter. Remarquez comment il dit, il ne dit plus il faut payer à César ce qui est à César. Et payer, non, c'est plus une histoire de payer un impôt, il dit rendre. Le débat a glissé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il dit montrez-moi une pièce. Et il ne touche pas la pièce. Jésus n'a jamais touché tout ce qui était profane. Mais il dit montrez-moi cette pièce. Et on lui montre. Et sa réponse s'appuie sur l'image. Elle appartient à son propriétaire. Vous acceptez d'utiliser ces images de l'empereur, donc vous acceptez sans autorité sur vous dans votre vie de tous les jours. Et là, évidemment, l'image, ça fait penser à cette image que Dieu a voulu créer en nous, à cette empreinte, pour dire hey, « je suis le propriétaire ». Il y avait, quand j'étais à l'armée, une vieille machine à écrire, une Remington. J'ai déjà rien que le nom, je trouve ça super. Et puis, j'écrivais mes petites histoires, mes petits poèmes, avec mon treillis de soldat. Et puis, vraiment, le capitaine, il rigolait tout le temps. Alors, vous avez fait quoi comme poème aujourd'hui? Et moi, je répondais. Bref. Et il y avait cette machine, et j'écrivais une histoire, mais il fallait appuyer très loin. On voyait bien la branche. Il fallait appuyer loin, puis on voyait, tac, ça tapait, tac. La lettre, c'est la lettre E, tac, tac. Et c'est cette idée-là que j'ai quand... J'entends ce verset que Dieu nous a créé à son image aussi. Il a frappé, il a voulu marquer de son empreinte. Évidemment, on sait l'histoire, le péché a tout couvert. Hein. Mais Jésus est revenu. Et vous savez, dans Hébreux 1, 3, il y a cette phrase sublime qui dit que, ah voilà, Jésus, il est le reflet de sa gloire, il est l'empreinte de sa personne, le caractère. Et si on va voir dans le texte, on pourrait même utiliser ce mot pour parler d'un caractère d'imprimerie. Le caractère d'imprimerie de Dieu. Voilà, il y a cette image-là. Jésus était l'image de Dieu, une image restaurée qu'il veut nous donner aussi, pour qu'on puisse voir la sainteté de Dieu. Mais voilà, évidemment, ce qu'on sait, c'est qu'ici, ils n'ont pas voulu. Qui peut dire « Celui qui m'a vu a vu le Père » ? Il n'y en a qu'un. Donc, ce qu'il leur dit, c'est que vous-même devez rendre à Dieu cette image qu'il a faite en l'homme. Acceptez que ce soit Dieu le propriétaire de vos vies, vivez sous son autorité. Et finalement, Dernière convocation. Convocation des Sadducéens. Les Sadducéens, c'était l'aristocratie religieuse. Parmi eux, il y avait beaucoup de... Ils étaient riches. Et parmi eux, il y avait beaucoup de prêtres. Et puis les grands prêtres, les souverains sacrificateurs. Qui vont essayer aussi de le piéger. On ne va pas s'arrêter trop sur cette histoire. Juste de savoir que les Sadducéens, eux... Bon, les pharisiens, vous savez, ils acceptaient la loi, plus les commandements oraux. Tout ce qui était ajouté en plus. Et tout ce qui était ajouté en plus de ce qui était écrit, ça devenait ça qui était le plus important à la fin. Et c'est comme les sectes qui ajoutent leur propre Bible à la Bible. Et puis les Sadducéens, eux, c'était tout le contraire. C'était tellement restreint qu'ils ne croyaient à une doctrine que si on pouvait la prouver dans les livres de Moïse, donc les 5 premiers livres de la Bible. Et puis ils vont lui raconter une histoire pour lui prouver que la résurrection, ça n'existe pas. Et là, Marc 12, 24, ce verset qui pourrait être prêché en soi, il dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni la parole, ni la puissance de Dieu. Et en effet, dans leur histoire, ils ont montré qu'ils n'ont pas vu que dans les 5 premiers livres, il y a en effet un passage qui laisse entendre qu'il y a une vie après la mort. Et ils ne croient pas que Dieu puisse ressusciter les corps. Ils ne s'appuient pas sur Dieu. Donc vous voyez, finalement, quand l'alliance à la base est refusée, cette image de Dieu n'est plus portée et on ne comprend plus ce qu'il dit et on ne s'appuie plus sur sa puissance. Si on veut restreindre un peu, si on veut voir un peu le sens global de ces deux chapitres. Donc ils ont refusé d'écouter la parole de Dieu, ils ont refusé de s'appuyer sur lui. Donc on tombe, quand l'alliance avec Dieu est corrompue à la base, finalement on ne peut que faire semblant, hypocrisie, et on ignore complètement et on devient incrédule, tout en étant dans le temple. Dans le temple, c'était dans le temple que ça se passait. C'est le plus triste, c'est le plus malheureux, c'est ce qui a dû faire pleurer Jésus, je ne sais pas, là, j'extrapole certains, peut-être, mais je ne peux pas croire que Jésus ait seulement dit les choses comme ça de manière, comme on lit un livre. Mais en tout cas, c'est ça l'essentiel du message. Il va finir par une conclusion, après qu'on lui a posé toutes ces questions, il se donne enfin le droit de poser une petite devinette, quand même. Il va utiliser le psaume 110. À votre avis, qui est le Messie? Vous savez, David, il dit, il parle du Messie comme, il l'appelle comment? Mon Seigneur, David. Mais le Messie, c'est le fils de David. Un père ne peut pas dire mon Seigneur à son fils. Et ces gens-là, avec tous leurs beaux vêtements, leurs franges, etc., qui travaillent dans le temple, qui sont bien vus par les gens, les pauvres, ces pauvres disciples, qui disent, mais eux au moins ils iront près de Dieu, nous qu'est-ce qu'on peut, on est pauvres et tout. Ces gens qui renversent toutes les valeurs, qui se fichent complètement de ce que Dieu veut pour le peuple, qui se fichent complètement du peuple, ces gens-là ils ne peuvent rien dire là-dessus sur le Messie. C'était l'espérance d'Israël, la consolation d'Israël. Ils attendaient que ça. Et ils ne savent même pas. Ah non, on est célèbre, non. Pourtant c'est le psaume 110, c'est un psaume messianique qui devait être prêché, enseigné. Ah, vous savez comment ils font, les scribes, les enseignants, ils prenaient la Midrash ou je ne sais quoi, quel commentaire de rabbin, et puis ils te citaient, ah, alors sur ce verset, rabbin machin truc, il a dit ça, ah mais rabbin truc machin, il a dit ça, et puis truc machin, il a dit ça, ah mais machin truc, il n'est pas d'accord, ah mais truc, il dit ça aussi. Et à ça, comment ils concluaient? Même moi, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ces 16 interprétations que je vous ai données. C'est ça qui pesait. Vous comprenez bien, quand Jésus enseignait, vous l'avez vu au chapitre 1, il était étonné de son autorité parce qu'il dit « Moi, je vous dis !» Et c'est tout, il se confiait pas en l'homme, quoi. Il se confiait pas dans tout ça. Il était lui-même une maison de prière, donc il entendait la parole de Dieu, il ne faisait pas semblant. Il s'appuyait sur la puissance de Dieu. Je crois que j'ai déjà prêché tout, mais voilà, ils n'ont pas compris. Finalement, c'est cette question-là qui est la plus importante. La question que Jésus leur pose, c'est ça, mais centrez vos débats là-dessus, vous m'avez posé tous plein de questions pendant toute la journée, des questions imbéciles qui montrent que votre ignorance. Mais vous ne savez pas l'essentiel. Qui est le Messie? Comment vous vous positionnez par rapport à lui? Alors, comme ils ne savent pas, qu'est-ce qui se passe? Deux jugements, un jugement contre l'orgueil religieux. Méfiez-vous des scribes, des pharisiens, ils ont une belle position, mais cette belle position, ça ne va pas les protéger du jugement. Ça, ça devait être un moment très fort pour les petits gens autour. Ça, ce n'était pas inscrit dans leur tête. Et puis, deuxième chose, ce don de la veuve, cette petite veuve qui donne de l'essentiel, quand on voit que Marc a réduit tout ce qu'il faisait, un chapitre chez Matthieu, malheur aux scribes, aux pharisiens, moi je crois qu'il veut vraiment le mettre ensemble avec ce don de la veuve et qu'il veut dire méfiez-vous de l'orgueil matériel. Donc méfiez-vous de vous tomber dans l'orgueil religieux, vous tombez dans l'orgueil matériel. Finalement, vous ne voulez que servir vos intérêts. Oui, le don de la veuve, là encore une fois, on va aller très très vite, mais la question, quand on voit ce don de la veuve, c'est pas ce qu'on donne qui est important, mais c'est ce qu'on garde pour soi, qui venait de Dieu. Là aussi, il faudrait rester un moment dessus, mais surtout ce que je voulais, c'était prêcher ces deux chapitres. Donc, vous n'en veniez pas. Bref, ils ont rejeté le plan de Dieu en voulant servir leurs propres intérêts. Moi, je vous laisse avec ces trois images-là. Bon, je ne sais pas où j'en suis maintenant, mais peu importe. Avec l'image de ce roi, l'image de ce juge, et surtout, la préoccupation centrale de Jésus quand il vient, c'est quoi? Le temple. Est-ce que le temple remplit bien la fonction qui était prévue? Et là, évidemment, 1 Corinthiens 3, 16, par exemple, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il dit ça à une église. Et un peu plus loin dans 1 Corinthiens, il dit ça aux individus. Ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors, j'espère que vous avez été bien d'accord avec moi, que vous en êtes bien pris au Sanhédrin, aux pharisiens. Mais maintenant, on tourne le miroir vers soi et on se dit, est-ce que j'ai peur de manquer le plan de Dieu? Il y a une chose que je n'ai pas citée, qui fait partie du texte, c'est la pierre rejetée. Cette pierre qui symbolise Jésus, le fondement, 1 Corinthiens 3, là aussi, le fondement de toute notre religion. Est-ce que c'est bien Jésus? Est-ce que c'est bien cette pierre qu'on a décidé? Oui, tu es au fondement de tout. Tu es le centre de mes convictions, le centre de mes motivations, le centre de mes actions. Heureusement que Dieu nous a mis ensemble pour voir qu'on peut peut-être se soutenir là-dessus. Quel jugement, on se prépare quand on décide de rejeter cette pierre et de vivre ses propres intérêts. La pierre qui était rejetée est devenue la principale de l'angle. Il est en train de dire à ces gens qui devaient soutenir, édifier, bâtir, il dit, vous n'avez pas pris la bonne pierre, et cette pierre-là, vous l'avez complètement manquée. Pire, vous l'avez rejetée. Est-ce que je ne suis pas en train de manquer Dieu parfois? Quand je vois tout ce qui est dit dans ces deux passages, l'alliance, ils l'ont refusé. Leur temple, il n'est pas pur. Il a été profané par des intérêts de gain personnel. Les nations, les gens ne peuvent pas venir. Ils n'entendent pas le message. Parce que je veux me servir moi d'abord, mon temple. Où en est mon parvis? L'idée, c'est pas de reprocher moralement, vous comprenez bien. C'est de donner la bonne vision et de se poser la bonne question. Qui est le Messie? Qui est Jésus? Est-il vraiment ce roi que nous chantons? Est-ce qu'on arrive à porter ce fruit? Parce que le test, finalement, quand on se pose la question « Dieu règne-t-il dans mon temple ?» c'est « Est-ce que j'arrive à porter le fruit? Est-ce que je ne suis pas comme ce figuier plein de belles feuilles, de très belles feuilles? Je fais des belles prières, je fais des super prédications, j'espère. » Mais en tout cas, on s'en fiche. Toute l'œuvre humaine, on s'en fiche. Si c'est pas au départ, si au départ je ne suis pas une maison de prière, parce que c'est ça le projet de Dieu pour chacun de nous quand Jésus est venu restaurer. Il n'est pas venu pour que tu aies une source d'inspiration, pour ces petites méditations, pour que tu te sentes bien, pour un bonheur à ta vue, à ta petite vue. Il y a des livres... Un des livres de Piper qui dit « On a des ambitions si petites parfois, étriquées, et Est-ce que ce temple n'est pas un peu étroit parfois? Dieu est à l'étroit dans ce temple qu'on a fait. Une maison de prière. Pourquoi c'est si difficile de prier sincèrement? D'arriver, vous savez, à avoir une discipline de prière. Moi, je pose la question sincèrement. Je pose la question, je me la pose encore. Particulièrement après avoir préparé ça, tout le temps que j'ai préparé ça, je me dis, pourquoi c'est si difficile? Pourquoi quand Jésus, il arrive dans le temple, la première chose qu'il dit du temple, c'est pas un sacrifice, il dit. Mon temple, ça doit être une maison de prière pour que les autres le voient. C'est ça qui compte le plus. Le sacrifice, si vous voulez, c'est une réponse de l'homme, une réponse religieuse de l'homme. Évidemment, le sacrifice préfigure le sacrifice de Christ. Mais même le sacrifice de Christ n'est pas le but de l'évangile. Ça, c'est le moyen, le seul moyen, le plus beau des moyens. Unique, indispensable, le sacrifice de Christ. Mais le but, c'est quoi? C'est que l'image de Dieu soit restaurée et qu'on voit la gloire de Dieu. On la verra dans le ciel, mais il nous demande aussi qu'on se prépare à la montrer, qu'on voit la sainteté de Dieu. C'est ça le but. C'est... Bref. Alors voilà, on se pose la question. Finalement, je ne pourrais que garder cette idée-là. Suis-je une maison de prière pour les perdus? Il y a tout là-dedans. Une maison de prière, suis-je dans ce dialogue constant? Suis-je toujours constamment dans la dépendance de celui dont j'ai dit, il est mon roi, que je chante à l'église? Donc, première relation ici, ce lieu saint, cette connexion, pas pour être spirituel, on s'en fiche de grandir spirituellement. On grandira spirituellement quand on se posera la question, est-ce que Dieu, ça se voit en moi, dans ma vie? Est-ce que je le vois dans mon miroir? Est-ce que je peux me regarder vraiment en face? Quand je prie, etc. Quand je décide de regarder un film, bien sûr, on pourrait aller très loin dans toutes ces questions. Est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour Dieu? Bon, allez, on se calme, on est dans le Nord. S'il faut, Dieu le donnera le courage. Mais je veux dire, est-ce que je suis prêt cette fois, on va baisser l'ambition. À peut-être pas regarder le film ce soir, et à lire la Bible, à prier, à préparer l'étude pour les frères et sœurs, pour la réunion d'église. Déjà, rien que ça. Hein? Parce que c'est facile. Moi, je me souviens, au début de la vie chrétienne, je disais à mon pasteur, je veux être missionnaire. En plus, je veux être missionnaire au Cambodge. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû voir un film qui m'avait marqué. Bon, je veux être missionnaire au Cambodge. Et le pasteur m'a dit, ok, tu peux préparer l'école du dimanche pour la prochaine fois. Mais il avait raison. C'était ça. Parce que c'est facile de se dire ça. On se donne bonne conscience avec des intentions. Mais Dieu, il jugera les faits aussi. Et si Dieu, il demande directement d'être une maison de prière, c'est aussi parce que si toute ma relation à Dieu, toute ma religion, au sens le plus large, n'est pas fondée dans cette relation-là, dans une relation la plus honnête possible, et chaque fois, il faut renouveler cette honnêteté, si ce n'est pas fondé là, alors tout ce que je vais faire pour Dieu, je vais le faire, mais sans Dieu. Et ce n'est pas lui qui va travailler. C'est pour ça que ce n'est pas de la morale. Je ne suis pas en train de dire « reflète l'image de Dieu ». Non, je suis en train de dire « soyons une maison de prière ». Et le reste découlera. C'est pour ça que ça vient ensuite. Quand il parle avec, les pharisiens, les hérodiens, il n'est pas en train de traiter nos devoirs de citoyens. Ça, c'est la lecture vraiment... bon, maintenant, je m'insurge, mais je l'ai toujours lu comme ça au début. Séparation de l'Église et de l'État, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais Jésus, il s'en fiche complètement de ce débat-là. D'ailleurs, il ne parle plus de payer de l'impôt, il dit rendre une image. C'est pas ça. Ça parle de notre responsabilité envers Dieu, de lui rendre cette image qu'il a mise en nous. Que notre cœur soit profondément marqué du sceau de Dieu. Ça ne parle pas de notre autorité à ce monde. On a Romains 13, etc. pour ça. Ça parle de notre autorité envers, de notre soumission envers l'autorité suprême. C'est pour ça qu'il pose la question, qui suis-je pour toi? Qui est Jésus? Qui est le Messie? Vous comprenez l'identité du Messie? Est-il vraiment cette autorité? Est-ce que sa sainteté se voit? Et quand il parle ensuite aux Sadducéens, il leur dit, mais vous qui êtes si riches, vous qui avez tant d'influence, Vous ne comprenez même pas quand Dieu parle. Vous ne comprenez même pas quand Dieu agit. Vous ne vous confiez même pas en sa puissance. C'est aussi des questions à se poser. Mais pas à se poser tout de suite. La question à se poser, c'est celle-là. Le reste vient ensuite. Sinon, on tombe dans la morale chrétienne. Moi, je ne veux pas prêcher de la morale chrétienne. Mais est-ce qu'on comprend sa parole? Est-ce qu'on a envie de lire sa parole? On utilise des versets, oui, ok, on apprend des versets par cœur parfois, puis on les sort complètement du contexte. Hein. J'ai eu l'occasion de discuter avec un ou deux. On manipule sa parole. Je me demande si ce n'est pas pire que d'être indifférent à la parole. Mais ce n'est pas des reproches. Hein. Je ne suis pas en train de dire on est des mauvais chrétiens. Parce que si on commence en plus à se poser la question, est-ce que j'ai un bon chrétien, un mauvais chrétien, on a complètement perdu le but de l'évangile. Suis-je une maison de prière pour les perdus? C'est ça que il me semble dire, peut-être de manière orgueilleuse. J'ai toujours un peu du mal à dire Dieu, il veut ça. Mais je ne crois pas trop me tromper quand je vois Jésus s'intéresser pour la pureté, la purification du temple, en disant soyez une maison de prière pour les perdus. Une maison de prière pour les perdus. Si vous pouvez retenir une chose, on oublie tout le reste. Mais on est ensemble. Je veux dire, ça m'ennuie, cette estrade, parce qu'on est au même niveau, quoi. Hein. On a été mis ensemble, non seulement pour voir que ça ne nous rassure pas, dans un sens, voir qu'il n'y en a pas un, peut-être pour attraper l'autre. On espère qu'il y en a quand même un ou deux qui vont nous guider. Et Dieu donne des dons à certains, justement. Donc, priez pour vos responsables aussi, parce que d'eux dépend l'enseignement. Hein. Priez, ils en ont bien besoin. Ben, je veux dire, ils ont besoin de votre soutien, quoi. On ne se posera plus toutes ces questions après. Donc la question, c'est toujours la même, mais j'espère avoir donné une autre couleur encore, avoir ajouté quelque chose à cette question-là. Qui est Jésus? On va prier. Oh Seigneur, quand on voit tout ce que tu es, quand on arrive à voir une partie de tout ce que tu es, quand on voit tout ce que tu as, toutes tes préoccupations centrales et cet amour, ce don total, alors qu'on était complètement à l'envers de ton plan. Merci d'être venu nous tirer de cet aveuglement mortel, éternellement mortel, en nous t'en suppliant, Seigneur. Ouvre-nous les yeux sur une vision de toi qui soit correcte, sur la volonté de te connaître davantage, d'être encore en proximité avec toi, encore plus proche, d'être une maison de prière, d'être une bonne maison de prière, de partager ta vision. Pardon, Seigneur, parce que bien souvent, je partage ma vision, au mieux ma vision religieuse, au pire ma vision bien charnelle. Que nous puissions porter un fruit qui te fasse plaisir. Le fruit de l'amour, Seigneur, pourquoi est-ce si difficile de porter du fruit? Est-ce que mon temple est si sans dessus dessous? Est-ce que je sers seulement mes intérêts? Oh, pardon, Seigneur, je t'en supplie, purifie ce temple. Merci parce que ton sang a coulé et que maintenant il y a une sortie et que tu nous montres le chemin. Oh, nous t'en supplions que ta grâce nous soutiennent, viennent, nous remplissent de cette volonté de faire ce qu'il convient de faire, de prendre notre responsabilité en main, d'être une maison de prière pour toi, afin que les perdus te voient, afin que ta sainteté se voit, afin que nous nous comprenions quand tu parles, qu'il n'y ait pas de malentendu, qu'on puisse s'appuyer sans cesse sur ta puissance. Bénis cette assemblée, Seigneur. Merci parce que tu attires encore aujourd'hui des gens vers toi. Parce que c'est la preuve, Seigneur, la preuve que ton amour est encore entendu, ou que ton amour se répande encore dans Seigneur, Maubeuge, Marpent, Ferrières-la-Grande, partout, Seigneur, que ça se voit, que ça se vive, que ce soit de l'allégresse comme quand tu es venu à Jérusalem sur un anon. Qu'on se dise, voici le jour que l'Éternel a fait, que tout le monde se réjouisse. Merci, Seigneur, parce qu'en toi, la joie ne tarit pas. Il y a toujours des raisons d'espérer. Merci de nous avoir donné cette espérance. Merci parce que tu vas accomplir ce chemin que tu as commencé avec nous, que tu vas le mener à la perfection, pour que ta sainteté se voie, pour que ta gloire resplendisse, rejaillisse partout. Un jour ou l'autre, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es le Seigneur. Seigneur, tu règnes, règne dans nos vies, que ça se voie. Viens purifier le temple, tout ce qu'il y a à purifier, Seigneur. Nous te le donnons, nous voulons te le donner. Ah, je t'en supplie, Seigneur, écoute. Écoute nos cœurs qui gémissent, qui veulent vraiment vivre cette chose. On le chante, Seigneur, que ce soit une réalité dans nos vies, dans l'Église, et que ça se voie. Que ta gloire, Seigneur, remplisse toute la terre. Amen.